3. Avant la mi-août, elle était installée à peu près dans un petit appartement de l'avenue Niel que l'obligeante Madame d'Arbennes-Massenot lui avait trouvé. Catherine était là, dépaysée, geignarde, et les meubles étaient là, dépaysés, bizarres, dans un appartement tout flambant neuf. Non pas tous ces meubles de Castillac, sa chambre et l'essentiel du salon, de la salle à manger. Cela composait un ensemble quasi absurde. Parisienne la cuisinière et périgourdine, Catherine n'était pas plus ridiculement disparate que les meubles et les murs et que, dans l'âme d'Anatolie, les souvenirs et la réalité nouvelle. Pauvre petite et qui argumentait « Je n'ai voulu que ma liberté, je l'ai ». Seulement, elle portait dans ses bras sa liberté inutile, plus lourde qu'une chaîne. N'aimons-nous pas Anatolie, son ambition si ardente, qui est toute l'ambition de l'humanité, son ambition d'une liberté qui est tout uniment le contraire de son esclavage, authentique esclavage, et dont le contraire n'est rien. Si l'on faisait à l'humanité le cadeau que réclament toutes ces révolutions, elle en mourrait bientôt. Anatolie avait écrit à Paulin « Viens me voir ». Il n'était pas venu. Anatolie avait, comme on le recommande, visité les musées, et elle ne s'était pas aperçue qu'il y eut là aucun plaisir pour elle. Anatolie avait acheté des livres, les avait lus, et elle s'était émerveillée de n'y trouver que facéties ou chicanes, des imaginations où elle n'entrait pas, des idées qui ne la touchaient pas. Anatolie avait parcouru les rues de cette ville et s'y était sentie une étrangère. Anatolie, alors, avait examiné sa conscience, afin d'y débrouiller les secrets de son dur malaise, et comme tous ses désirs depuis son arrivée à Paris avaient eu leur facilité, sans la contenter jamais, tous ses désirs, sauf un seul, celui-là n'était-il pas le seul qui, l'animant et n'étant pas satisfait, la tourmenta, le seul aussi qui dut la combler d'aise, Paulin. Elle raisonnait ainsi. Et il est rare que nos raisonnements suivent l'exacte vérité de nos cœurs. Mais elle raisonnait ainsi, guidée par son cœur. Devant l'évidence, elle se troubla. Paulin ? Oui, qu'arriva Paulin chez elle, et une fois encore, maintenant comme jadis, il lui dissiperait tout son marasme. Elle se souvint de la petite fille qui, dans la maison morne de Cassillac, se désolait, et Paulin, magicien, l'égayait. Ah, que ne venait-il ? Et elle se demandait si elle, sans le savoir précisément, ou sans l'avouer à elle-même, était venue à Paris autrement qu'appelée par lui. Laurent ne l'avait-il pas soupçonné ? Laurent jaloux ? Et qu'est-ce que ne soupçonnait pas ce jaloux ? Anatolie écartait ce qui l'eût désobligé. Mais elle consentait que toute sa pensée malheureuse attendait Paulin comme le sauveur. Quand elle eut fait, un soir, cette découverte, elle douta d'avoir été, jusqu'à cette minute de clairvoyance si aisée, franche avec elle-même. Et qu'avait-elle à dissimuler ? Rien. Mais lui, Paulin, que ne venait-il ? Au moins, pourquoi ne répondait-il ? Malade ? Ou bien quelque lubie ? La crainte d'être dérangé de sa besogne. Anatolie irait le lendemain, dès le matin, chez lui. Rue Lacépède, une vieille maison très pauvre d'aspect. L'on entrait, et puis la maison n'était pas laide, avec son grand escalier de pierre et sa rampe de fer forgé. Une ancienne maison magnifique et déchue de sa magnificence, divisée en petits logements. D'ailleurs, M. Paulin Bouvier n'était pas là. Sorti, en voyage probablement, depuis quelques jours. Et non, il n'avait pas laissé d'adresse. Son courrier l'attendait. Un courrier peu abondant. Anatolie, dans la case de M. Paulin Bouvier, reconnut sa lettre, l'enveloppe encadrée de noir. Est-ce qu'il s'absentait souvent ? Quelquefois ? Pour longtemps, quelquefois. Quand reviendrait-il ? La concierge n'en savait rien. Ou elle jugeait les questions d'Anatolie indiscrètes. Anatolie s'en alla, déçue, heureuse de se dire que Paulin n'avait pas refusé de la venir voir. Déçue pourtant. Elle était à l'un de ces moments où l'on n'a aucune patience, où il vous semble qu'une minute est longue. Si elle avait pu compter les jours qui la séparaient de Paulin, quel que fût le nombre des jours. Mais non, et c'était encore l'indéfini qu'elle rapportait de sa course hardie et preste. 10 heures. Et que faire de sa journée ? Et d'abord que faire de ce bout de temps que la présence de Paulin devait enchanter, que l'absence de Paulin laissait terriblement désert et morne. Elle était venue en voiture, pressée alors. Elle n'avait plus de hâte. Elle descendit la rue Lacépède et fut au jardin des plantes, le plus joli et le plus triste des jardins. Il faisait chaud. La brume de l'été alourdissait l'atmosphère. Déjà des feuilles tombaient, toutes sèches, et non jaunes, dorées comme à l'automne, mais brunes, et pareilles à des copeaux de bronze. Elle se posait sur le sol avec une espèce de précaution singulière, petites œuvres d'art bien ciselées, et la préciosité de chacune se perdait dans leur quantité que les passants écrasaient. Des enfants jouaient, des enfants sales, et à des jeux qui n'excitaient pas leur fougue. Une petite fille qui avait les yeux bandés et qui sentait l'odioforme, assise toute seule sur un banc, berçait une poupée emmitouflée de chiffon, et qu'elle ne voyait pas. Anatolie longea des allées étiquetées d'animaux, d'arbres et de fleurs, des allées de captivité, d'acclimatation difficile, et elle traversa tout le jardin jusqu'à un étang très petit où un saule mouillait ses branches basses. Elle s'assit. Elle avait acheté l'égalitaire. N'allait-elle pas y trouver un article de Paulin ou quelqu'un indice de Paulin? Le motif de son voyage? Ce journal lui faisait peur, et elle le lisait pour la première fois. Rien de Paulin, elle le regretta. Puis elle aima que Paulin ne fût pas l'auteur de ce qu'elle lisait sous la signature de divers citoyens dont elle connaissait les noms d'énergumènes illustres. Quelle littérature abjecte, si redondante et à la fois furieuse et molle. Des hableries, des invectives, des mots de science et des injures, l'argot révolutionnaire. Anatolie en éprouvait le dégoût, et à l'idée que Paulin se mêlât de telles vilainies, elle était déroutée. Les sarcasmes du vieux professeur d'Arbène Massenot lui passaient dans la mémoire. « Sottise, disait-il. » Et il se moquait. N'aurait-il pas dû s'indigner? Sottise et provocante, sottise et ignoble, sottise et astucieuse. Anatolie, de ligne en ligne, souffrait davantage. Elle imaginait Paulin devant elle, et elle lui demandait compte d'une phrase, et puis d'une autre. Elle imaginait Paulin devant elle. Mais alors, c'était le salut. Paulin s'expliquerait. N'avait-il pas raison, Paulin? Ou bien il faudrait admettre que n'eût pas tort le stérile mépris du vieux d'Arbène Massenot contre l'enthousiasme fertile de Paulin. « Je te supplie d'avoir raison, Paulin, disait-elle à demi-voix. » Si Paulin n'avait pas raison quand il annonçait une vie nouvelle, le vieillard désespérant, qui à la pension de famille maudissait tout remuement et voulait que la vie ne fût que l'apprentissage de la tombe, ce bonhomme funèbre n'avait pas tort. Ni le personnage taciturne, et enfin ni les uns ni les autres de ces amateurs plus ou moins résignés, du néant. « Qui a raison de toi ou du néant, Paulin ?»« Ah, Paulin, pouvait-il avoir raison, avec les niaiseries choquantes de l'égalitaire ?»« Mais Paulin, pouvait-il avoir tort ?»« Paulin, ah, qu'il fût là, premièrement !»« Où était-il ? Quand viendrait-il » Anatolie marcha longtemps, n'ayant pas envie d'arriver bientôt chez elle. Dans l'avenue des Ternes, à midi, une population chétive d'employés et d'ouvrières se dépêchait. Sur le trottoir, devant les restaurants populaires, l'odeur des nourritures et du vin n'était pas bonne, et les visages n'étaient pas gais. Ces visages qui ont le pli du continuel travail, et qui, relevés et détendus, montrent leur tare, leur fatigue. Or, il n'y avait pas une de ces ouvrières si misérable, pas une, et même la plus grêle de toutes, si pâle et ravagée, avec ses yeux de désolation, avec ses mains un peu sales et veinées de bleu, dont Anatolie n'eût pris le sort en échange de la détresse où elle-même défaillait. Ainsi tournait pour Anatolie l'aventure, après qu'elle lui avait accordé tant de jeunes confiances et de crédulité. Anatolie accuse la destinée, vain recours de son déplaisir. Elle pourrait s'accuser elle-même et connaître sa maladresse. Anatolie qui se promène dans Paris, et qui, par exemple, va de la rue Lacépède à l'avenue Niel, s'attarde au jardin des plantes et au quartier mélancolique. Elle a monté les Champs-Élysées et n'a point aperçu la gaieté du paysage parisien. Des propos qu'elle entend, elle ne retint que ceux qui la découragent. À la pension de famille, la finlandaise, qui dédie à la philosophie romane son zèle de vierge désœuvrée, et les anglaises, qui éparpillent leur futile curiosité. Chez les d'Arbène Massenot, la fiancée, à qui suffisent le tennis et le champion. Et dans le faubourg, à midi, les ouvrières laborieuses. Tout ce monde varié lui offrait les plus salutaires conseils d'activité, utiles ou non, modeste et assez occupante pour refuler le rêve et ses ambitieux caprices. Elle ne s'en doute pas. Elle accuse la destinée. Elle fait bien si elle épargne ainsi son repentir. Mais la faute de la destinée, tout uniment, la voici. Paulin n'est pas là. Anatolie ne voit-elle pas que telle est toute la faute de la destinée? Si elle le voit, elle sait sa double imprudence. Elle aime en imagination. Paulin est présentement ne vit qu'en imagination.